Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Dimanche Musette, une émission pour les amoureux du musette, préparée et proposée par Guido, votre serviteur. Le dimanche matin, de 9h à 11h, et de 10h à 11h, c'est la variété française avec le retour dans le passé, mais aussi la variété d'aujourd'hui et peut-être celle de demain. La rediffusion de cette émission, eh bien c'est le mardi de 10h à 12h. Vous aimez le musette, la variété française? Ne changez rien, vous êtes au bon endroit. L'indicatif de cette émission. Au bal de mes rêves, Julien Brulac. FM, la radio la plus proche de chez vous, 91 102.5. Attention, attention, ça va démarrer. Et non seulement ça va démarrer, mais ça va même foncer. Le musette, c'est ici. Eh oui, et quand on dit qu'on est parti, on est bien parti. On est parti avec le bal à papa et le cha-cha Pepito. Et cette, qui c'est qui nous interprète tout ça? Eh bien, c'est Corinne. Corinne que vous connaissez bien, qui habite du côté de Châtillon-en-Michaille et qui s'appelle Corinne Martin-Boret. Elle est accompagnée, bien sûr, de son homologue qui joue, lui, de la guitare, un peu de tous les instruments et puis qui chante également. Oh, c'est un dimanche un peu particulier. Voilà, un dimanche particulier, un dimanche à la campagne, on va dire. Allez hop, on est parti. Cherchent un cavalier. Tu dormiras dimanche. Ce soir, mets tes souliers. Si tu m'invites au bal à papa, pour que je danse rien qu'avec toi. Si tu m'invites pour la fiesta, je te dis oui. Tu me tiendras au creux de tes bras toute la nuit. Là-bas, tout contre jour, on s'aimera au bal à papa. Quand j'entends la musique jouer sur la piazza, c'est un monde magique qui s'ouvre devant moi.

marié. Un jour il trouva la fille qu'il voulait. Il dit à son père, je voudrais l'épouser. Hélas mon garçon, hélas tu ne peux pas, car cette fille est ta sœur, ta mère ne sait pas. Oh, oh, oh papa, papa, oh, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Voilà, cha-cha, Pepito, c'est terminé. On va partir avec un classique de l'accordéon. C'est El Choclo. Eh oui, El Choclo, toujours par ces deux musiciens qui sont bien de chez nous et que l'on connaît bien et qui méritent bien un peu eh bien, de passer sur le 91 et sur le 102.5 de Sorgia FM. Flirt. Alors là, je ne connais pas du tout, mais ça promet d'être pas mal. Et puis la suite, eh bien, ce sera Java Pétanque. Je ferai n'importe quoi, ou pour un flirt avec toi. Je serai prêt à tout, pour un simple rendez-vous, ou pour un flirt avec toi. Ouh, un petit tour, au petit jour. Souvenir de joie. En somme, si j'ai compris, sans sert à ça l'amour. Et c'est à vous les danseurs. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Go, go. Le Grand Bornand. Ah oui, le Grand Bornand, c'est pas très loin de chez nous, hein. On entend parfois d'autres interprètes. Mais voilà, aujourd'hui, c'est Corinne. Et puis, j'ai perdu le nom de son accompagnateur. Mais je crois que ça doit être son fils, si je ne me trompe. L'énergie de l'accordéoniste et l'envie salsa. On continue et on continue encore. Thank you. joyeux le rythme dans son cœur. Tenez-vous prêts, danseuses et danseurs, car une fois que c'est parti, vos cinq heures de folie, ne comptez pas rester assis. Toutes ces danses vous emmèneront dans un ailleurs où tout le monde sème la bonne humeur. Ah, les filles et garçons, dansez tous à l'unisson sur le son de son accordéon. Une salsa avec le titre L'envie salsa. Et l'oiseau et l'enfant, ça nous rappelle des souvenirs tout ça. chimie, passionné par la danse, ne voit pas qu'il séduit quand son corps se balance. Toujours bien habillé, avec élégance, elle a bien remarqué quand il prend sa cadence. Il danse en osmose, la salsa, et pourtant ils ne se connaissent pas. Ils ne voient que leur envie de bouger sur ce rythme rempli de sensualité. Heureux comme ça tous les deux en dansant la salsa. Suffit de vibrer dans son corps, l'amour en soi plus fort. Heureux comme ça tous les deux en vivant la salsa. Et peut-être un jour leur corps vivra l'amour encore plus fort, plus fort. Salsa. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, vois comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Mais la chanson descente des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc innocent, le sang. Invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde. C'est moi, l'oiseau, c'est toi.

débarras. Je suis qu'un sommet, toute sa bébé. Je suis pas un superman, loin de là. Juste moi, mes délits, je n'ai rien d'autre à offrir. Mais je sais qu'en fait c'est déjà ça. Déjà ça, déjà ça. Quand il me dit je t'aime, que j'arrive à le croire. Ah oui, j'adore, oui, j'adore. Mais quand il rentre sous et qu'il devient méchant, énervant, et qu'il m'accuse de tous les torts encore et encore, je ne suis pas d'accord. C'est un voyou, un filou, mais voyez. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets joie, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. La musique vivra tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à en crever. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique que j'aime, toute la musique que j'aime, toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Quand je serai loin, tu viendras me. Et c'est la fin de cette première partie de l'émission, c'est-à-dire de Dimanche Musette. Nous allons tout de suite nous retourner et embrayer sur la chanson française que l'on commence tout de suite. Voilà, là vous avez reconnu Sylvie Vartan, hein. C'était facile, oui, tous les garçons et les filles, ça nous rappelle quelques bons souvenirs, dites-moi. Et puis, ben maintenant, nous allons écouter « Je vais t'aimer », et « Je vais t'aimer », c'est un certain Michel Sardou. Et après Michel, il y aura « Fais-moi de la tendresse », alors là, tout un programme. À faire pâlir tous les marquis de Sade, à faire rougir les putains de la rade, à faire crier grâce à tous les échos, à faire trembler les murs de Jéricho, je vais t'aimer. À faire flamber des enfers dans tes yeux, à faire jurer les tonnerres de Dieu, à faire dresser tes saints et tous les saints, à faire prier, supplier nos mains, je vais t'aimer. Et là, eh oui, ben là, c'est encore, encore de grands, grands, grands souvenirs parce que Capri, c'est fini. Eh oui, Capri, c'est fini, mais sur le 91 et sur le 102.5, rien n'est fini. Tout recommence. Et puis, après Capri, c'est fini. Fais-moi la tendresse. Léon, plus jamais, où tu m'as dit je t'aime. Léon, plus jamais, tu viens de décider. Léon, plus jamais, ce soir c'est plus la peine. Léon, plus jamais, comme les autres années. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais, tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais, comme les autres années. Oh, parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant tu diras non. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville, mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini, et dire que c'était la ville, mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Plus jamais, et je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais donné. N'irons plus jamais comme les autres années. N'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville, mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville, mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville, mon premier amour. Capri, c'est fini, je ne crois pas que j'y retournerai un jour. On s'est quitté sans être quitte, je n'ai pas eu le temps d'y penser. Un peu trop tôt, un peu trop vite, le temps passé nous est passé. Toi qui connais de moi les mois, de ces instants où tout bascule, retiens-moi encore dans tes bras, sans passion et sans ridicule. Fais-moi la tendresse, l'amour sans chagrin, des mots sans promesse. Fais-moi la tendresse, toi qui te souviens de toutes mes faiblesses. Fais-moi la tendresse, la main dans la main, oublie les caresses. Fais-moi la tendresse, aujourd'hui, demain, à la même adresse. A voulu, mais le destin n'en voulait pas. Comme ma chanson mal entendue, malheur à celui qui s'en va. J'ai fait ma vie de mon côté, j'ai réussi sans réussir. On ne sait plus par où commencer. Quand on a mille choses à se dire, fais-moi la tendresse, l'amour sans chagrin, des mots sans promesse. Fais-moi la tendresse, toi qui te souviens de toutes mes faiblesses. Fais-moi la tendresse, la main dans la main, oublie les caresses. Fais-moi la tendresse, aujourd'hui, demain, à la même adresse. Fais-moi la tendresse. de toutes mes faiblesses. Fais-moi la tendresse, les mains dans la main, oublie les caresses. Fais-moi la tendresse, aujourd'hui, demain, à la même adresse. Allez, on continue avec Clo-Clo, comme d'habitude, et puis Joe Dassin, si tu n'existais pas. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas. Comme d'habitude, sur toi je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid. Comme d'habitude, ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi. Comme d'habitude, mais toi, tu me tournes le dos comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite, je sors de la chambre, comme d'habitude, seul, je bois mon café. Je suis en retard, comme d'habitude, sans bruit, surtout, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude, j'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude, comme d'habitude. Journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je fais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Le jour s'en ira, moi je reviendrai, comme d'habitude, seul. J'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude, sans bruit. Je resterai là, en t'attendant, comme d'habitude. Mais là, je les cacherai comme d'habitude. Comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret.

pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Complètement démodé. Voilà, mais quand ces histoires d'amour prennent, allez, on va dire, un peu l'eau, voilà ce qui arrive. Eh oui, et voilà ce qui arrive, eh bien, tout simplement, elle s'en va. Elle s'en va. Regarde au travers la fenêtre brisée. Sous le coup de la colère, tu as tout saccagé. Et je vois dans tes yeux un afflux de rosée, vibration du cœur, reflet de tes pensées. T'as dit je m'en vais, tu ne me verras plus. Elle te l'a dit souvent, tu ne l'as jamais cru. Aujourd'hui tu assistes à son envolée, et franchis la piste, c'est déjà dépassé. Tu troqueras tes nuits pour mieux la retrouver. Tu la trouveras dans des bras étrangers. Tu regretteras d'avoir croisé son chemin, cette femme qui tourne autour de ton chagrin. Elle s'en va, elle s'en fout des rêves. Elle s'en va, elle déploie ses ailes. D'ici peu tu verras la tempête passer. Quand tu auras compris qu'elle ne reviendra pas, et ce sera pour toi le dernier tour de clé qui ouvrira ton cœur à d'autres destinées. Pour aimer, et puis il y a les nostalgiques qui se souviennent toujours et encore, et d'ailleurs elle nous rappelle quelque chose. Et puis c'est la fin. Et oui, c'est la fin de cette émission. On se retrouve mardi prochain à partir de 10h sur les 91-102.5 de Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, de chez nous, de chez tout le monde d'ailleurs. Et voilà. Et donc, moi je vous dis bye bye, et puis je vous dis aussi